Je critique, mais bah, partant, je suis biaisée. Je t'aime beaucoup en général, crowd. Tu es jolie, tu es sympathique, tu aimes trasher, en tout cas dans les endroits que je fréquente. Et justement, ça a bien terminé mon année 2016, puisque j'ai pu trasher dans la joie de vivre avec Gogol Bordello. Et pour tous ceux qui écoutent en ce moment la radio, oui, je vais te parler du nouvel an. Tu vois, je l'assume, mais c'est vrai que c'est un peu spécial. Ben oui, la grosse vérité sale, c'est qu'en tant que critique de crowd et en tant que Jolene, je n'ai vu aucun spectacle depuis janvier. Janvier, c'est supposé être plate, il y a beaucoup de spectacles, je trouve ça vraiment sympathique. Il y a Igloo Fest et je suis juste carrément occupée, alors j'ai aucun temps pour voir des spectacles. Et en fin d'année 2016, j'ai vu beaucoup de shows. J'ai vu Dillinger, j'ai vu mon oncle Tierce, que je vous ai fait la critique la semaine dernière, et j'ai terminé l'année avec Gogol Bordello. Alors, au lieu de me dépêcher pour vous faire plein de contenu, du rapide et thématique, j'ai préféré prendre le temps, de vous en parler plus longuement. Et de toute façon, j'avais eu beaucoup de commentaires de Gogol Bordello, de gens qui avaient assisté à leur show, puis comment c'était fou, malade. Alors, je me suis dit que c'était bien plus qu'un spectacle du Nouvel An. C'était un grand spectacle en soi. Alors, pourquoi juste le réduire à un show du Nouvel An quand ça peut être une très bonne crowd? Point. Et je dis qu'il y a beaucoup de gens qui m'en ont parlé, et c'est surtout des animateurs de la marge. Alors, on en parlait beaucoup hors d'onde, Juliette David de Punkzilla, Leroy du Leroy Show. J'ai fait « Hey! On a du fun à en parler hors d'onde, on devrait s'en jaser en onde! » Et c'est ça qui va se passer tout de suite après la chanson de Pierre et Bastien. Ils viennent juste de sortir un nouvel album, c'est Chant français. Alors on va écouter « Secret » de leur nouvel album « Musique grecque ». Avec des muscles. Dans la rue, je regarde le corps des mecs. Promesses de passion, d'extase, de bonheur. Dans la rue, je regarde le corps des mecs. Quel est leur secret? Ils sont super sexy. Retour sur les ondes de la marge, le 89.3 FM. Critique de crowd est en compagnie. Oui. En compagnie. Ben oui, Punkzilla. Allô David, allô Juliette. Allô Jolène. Salut Jolène. Alors, comme je vais compter pour le restant de l'émission, Juliette et moi, on est allés voir Gogol à l'Olympia, mais David, tu les as déjà vus. Juliette, tu les as vus 4 fois en tout. Oui. Fait que je me suis dit que c'était pas pire de vous avoir aussi à l'émission pour avoir votre point de vue de la performance qu'offre de façon générale Gogol. Incroyable. Ben écoute, moi, la seule fois que je les ai vus, c'est avec Juliette, en fait. Et, c'était où? C'était, on est allé à Burlington. Sur les rives de Burlington. Pas à l'intérieur. On a bravé Ouais, c'était à l'extérieur, une espèce de festival. Je m'en rappelle plus c'était quoi, une foire médiévale probablement, nous connaissant. Hein? De quoi une foire médiévale? Non, non. Il y avait comme des épées. Non, non. Des il y avait bien des trucs spéciaux là. Non, ouais. Et en autobus en plus. Ouais, en autobus. On n'est même pas monté en auto, on est allé en autobus. Ah, quel périple. Relax, ben ouais. Ben tu sais, le jour qu'on aura un permis de conduire, toi ou moi, on pourrait y aller en voiture. Hein? C'est peut-être mentionner ça aussi. Donc, non, ça avait été assez épique, évidemment, la longue journée vers Burlington. Oui. L'enregistrement dans un motel, je dirais, un peu crappy, mais quand même pas si mal. L'enregistrement. Ben, il faut se check-in dans l'hôtel avec... oui, c'est ça que je veux dire. Et, un classique, en fait, de Burlington. Oui, en effet. Je me rappelle plus c'était quoi, mais... Mais tu sais, avec les tableaux marins, puis la bouée de secours sur le mur, puis l'espèce d'espadon empaillé, le classique, là. Puis, non, sinon, ça a été une... Oui, bien, la journée s'annonçait bien. Ça a commencé par The Devil Makes Tree. Puis après ça, Gogol, ils ont fait à peu près 4-5 chansons jusqu'à temps qu'on entende « Attention, attention », en anglais, bien sûr. « Attention, là. Attention », pour ceux qui parlent anglais. Alors, juste pour bien le traduire, il y a un éclair électrique. Veuillez vous diriger à vos véhicules... Il voulait être certain que vous soyez en dessous de caoutchouc. Oui, évacuer les berges, le site au complet. Hey! Puis si vous n'avez pas de véhicule, bien, allez, il y a un souterrain, puis il y avait des gens avec les lumières, tu sais, comme avec les avions, là. Ouais, ouais. Puis ils faisaient des signaux, passer par ici, puis il pleuvait à boire debout. Donc, on se rend dans un parking, je pense qu'on a un sous-sol souterrain, là. On a attendu à peu près quoi... Je sais pas, 20-30 minutes. Ouais, mais c'est il pas me semble plus. Que c'était quand même pas si pire que ça non plus. Il me semble que j'ai déjà vu des orages vraiment pires. Oui, mais là, que celui-ci ça. Était électrique. Ah, il était électrique. Ouais, ou le site du festival n'était pas organisé pour l'occasion. Mais je pense qu'il disait que si ça touche les trucs, ça peut être dangereux. Vu que c'était électrique d'habitude, c'est peut-être pas tout le temps la. Je suis pas météorologue. Non! On va se le dire. Fait que là, en 4-5 chansons, est-ce que ça a eu le temps d'être plaisant? Ben non, mais là, on est retourné prise 2, là. Après avoir joué, en fait... Puis si je me rappelle bien, on avait amené nos... On n'a pas des ponchos d'urgence aussi pour se protéger de la pluie. Oui. Donc, tu sais, les petits ponchos oui, en plastique. Oui, ça, c'est coquet. Ah, ça, c'est... Écoute... Ça, c'est beau. Oui. Donc, je pense qu'on les a perdus ce soir-là, d'ailleurs. Écoute... mais j'en avais un. T'en avais un? Oui. Puis je me rappelle que c'était ma grand-mère qui me l'avait donné. Puis il devait tellement être vieux qu'il a décollé. Ça a pris 3 secondes. Foup! J'avais puré. Oui. Mais sinon, écoute, c'est vraiment... Je pense qu'il y a-tu un autre mot pour décrire Gogol Bao que festif? Je pense que c'est... Joyeux. Joyeux, party. Festif, une énergie débordante. On s'ennuie vraiment pas avec eux. Vraiment, puis disons que l'ambiance... Je pense qu'on a même pas besoin d'aimer la musique pour apprécier la soirée. Là. Donc, moi, j'avais vraiment adoré. Puis écoute, j'avais pas regretté de faire les 500 kilomètres pour aller les voir. Puis ouais, c'est ça. Alors, c'était un trash post-wet. Oui, c'est... En poncho de plastique. Oui, même en poncho de plastique, ça dansait. C'était, tu sais, quand on est revenu la deuxième fois, là, tout le monde était comme joyeux, puis bonne humeur, puis c'était super le fun, pareil. Ouais. Et sinon, moi, là, je coupe des punches. Non, mais je trouvais qu'à l'Olympia, c'était quand même cross-punk, comme quoi, une bonne part. Est-ce que dans ce cas-ci, c'était punk? C'était qui que ça attire? Hippie. Burlington, c'est très hippie, Burlington. Mais si je me rappelle, c'est aussi une espèce de... Là, je faisais de la blague de foire médiévale, là, mais comme une espèce de tu fâchais dans du miel artisanal, puis des plein de petits trucs genre artisanaux. C'est que je pense que le crowd était un peu plus hippie, mais Gogol Bordello, en général, il me semble que c'est monsieur, madame, tout le monde. C'est hyper diversifié. Mais oui, parce que même, en fait, à l'Olympia, j'ai vu des gens avec des nœuds papillons, des gens qui étaient bien habillés. Il y en a qui étaient... Il y en avait quelques... adoré. Oui, il y en a quelques-uns qui étaient justement super punk, puis t'en as d'autres qui étaient... classique. Faut dire aussi qu'à rester toujours sur le bord du pit, on observe plus les punk crusty que le reste de la crowd. Oui, c'est ça. Puis à l'extérieur, il y avait vraiment tous les styles. Puis tous les âges aussi. Ben oui, parce que c'était quand même une soirée intergénérationnelle. Oui, dans ma famille, mais parlons de... J'ai dit à mes parents, inquiétez-vous pas, vous êtes pas les seuls vieux. Mais tes parents, c'est pas la première fois qu'ils voyaient en spectacle aussi. J'ai juste ta mère. Oui, c'est sa 3e fois, ma mère. Quand même, ça veut dire que... Tu cool! Ben oui, ça veut dire que tu vas toujours voir Gogol avec ta mère. Oui, sauf la fois... Sauf la fois avec David. Ouais. Mais est-ce que le CSN donne des médailles d'ailleurs, tu sais, aux parents qui s'illustrent, qui vont dans les spectacles, les enfants? Je sais pas s'il y a des prix qui sont remis. Bon, ça y est, là, David m'en fait une, là. Avec une très belle pierre carton, mais elle sera remplie de bonnes intentions. Fait que moi, je veux mon étoile comme octoplot. Non, c'est ta mère. Hein? Ah, mon Dieu, le référent est peut-être pas commun pour tout le monde, Juliette, mais ouais, octoplot, ils ont fait jouer 16 fois. 18 fois la chanson de 18 minutes. Et oui, fait que là, ils sont venus remettre une étoile à CISM pour nous honorer de la chose. Mais oui, revenons à Gogol et ta famille. Alors, comment ça se passe, Gogol, quand il va avec son arbre généalogique? Ça se passe bien, oui. Mais il faut avouer qu'on avait bu une bouteille de vin avant d'y aller, là, donc tout le monde était de bonne humeur. Non! Puis on a installé, ma mère est petite, donc on l'a installé à une place où est-ce qu'elle pouvait voir, puis où est-ce qu'elle pouvait danser, donc tout s'est bien passé. Oui, c'est vraiment chouette. Et pour tes autres expériences, est-ce que c'était à Montréal? C'est où les alliés? Les sinon, au Métropolis, que je les avais vus, puis une fois à Burlington aussi. Écoute, donc on fait de la route souvent. Ouais, Juliette, je pense que combien de fois tu vas à Burlington par année? Tu vas avoir une passe aux frontières? 3-4 fois. Oui, quand même. Ouais. Écoute, quand il scanne l'œil. Ça m'est jamais arrivé, hélas. Et c'est pour des festivals que tu vas là-bas ou c'est juste pour le bon plaisir? Souvent quand il y a des spectacles. Ah ben, Colin! T'as-tu des cues comme de festivals à suggérer aux chers auditeurs? Ben moi, je vous suggérerais de regarder ce qui se passe au Higher Ground parce que souvent, les groupes, ils veulent pas traverser les douanes. Donc, ils s'arrêtent juste là, puis c'est souvent plein de personnes de Montréal qui y vont. Donc, le Higher Ground, c'est une salle où est-ce qu'il y a... On a vu de tous les genres. On a vu... j'ai vu Fake Problems, Against Me, Gogol Bordello, Brand New. Non, pas Brand New. Mais tout plein de trucs. Alors, tout plein de trucs sauf Brand New. Ben merci beaucoup, tout le monde. Merci, David. Merci, Juliette. Pangzilla. Puis, on espère que vous allez pouvoir aller voir Gogol la prochaine fois. Oui, effectivement. Et rappelez donc, c'est les mercredis à 8h, votre émission? Non, 7. 7. À 7h. 7. Oui. Même nous, on a de la misère à s'en rappeler. Ouais, c'est pour ça qu'ils sont toujours en retard en ondes. Et là là! Hey, je vous remercie encore. Vous êtes beaux. Fait qu'on va continuer la musique. Ça risque d'être du punk rock. Est-ce que vous avez une demande spéciale? Ben écoute, je sais pas si on continue avec du octoplot, est-ce qu'on peut faire... On en parle au temps passé. Ben exactement, ben oui. Donc c'est des amis de l'émission. Oui, puis justement, Larry vient d'avoir un bébé, donc félicitations. Oui, donc on peut bravo dire pour les bébés. Au nouveau bébé. Donc on repart en musique avec octoplot et vous écoutez... Critique de crowd. Hey! Oh, he's out! Free my soul! écoutez Critique de Crowd sur les ondes de la marge de 89.3 FM. Et ben écoute, Crowd, cher auditeur, il y a aussi une belle Crowd étant celle oui, étant les animateurs de CISM et celui qui bruite à l'instant. Ben écoute, c'est Leroy. Yo yo, comment ça va tout le monde? Hey, c'est fou quand même, t'es là en semaine. D'habitude, t'es un homme de fin de semaine, un homme de dimanche soir. Oui, j'existe juste le dimanche soir à CISM. Le reste, c'est une vie privée là qui n'a aucun rapport à CISM. Un homme obscur. Hey Leroy, je sais pas trop, c'est comment qu'on s'est jasé de Gogol et de tout cet enthousiasme que tu avais pour sa foule. Ben, j'ai dû venir un dimanche là pour... Bonne réponse. Ouais, j'étais là un dimanche, puis on a parlé des shows qu'il y avait cette semaine, puis le 31... C'était fou comme show que Gogol Bordello vienne un 31 décembre fêter le nouvel an ici à Montréal, au Métropolis. Pas au Métropolis. Non, à l'Olympia. À l'Olympia. Puis moi, j'étais comme, oh, moi, je les ai vus au Métropolis et une autre fois au Rockfest. Puis c'était incroyable. Ça va être tellement bon, Jolene. T'es tellement chanceuse, tellement chanceuse. Fait que j'étais peut-être un peu trop vendu ça. Ah, oh, quoique, j'ai eu du plaisir et les gens étaient sympathiques. Là, c'est l'analyse où est-ce qu'il y a un petit plus parce que c'était le nouvel an ou non? Ouais. Ce sera à suivre dans ma critique slash analyse. Mais écoute, je crois que c'est la première et unique fois, peut-être, probablement, fort probablement, qu'on va parler du Rockfest à Critique de Crowd parce que c'est un événement que je ne couvrirai probablement jamais. Mais t'es allé et puis ça a été une belle expérience. Ben oui, mais c'était la deuxième fois que je voyais Gogol. C'était un des groupes que je voulais voir au Rockfest de 2015. Fait que la première fois que je les ai entendus, c'était un party. Puis je vais faire un shout-out à Philippe Laurent, parce que c'était le premier ever qui m'a fait écouter ça. Je suis comme, dude, OK, un party chez vous, là. Non, chez lui. OK. Ben, chez quelqu'un. Chez quelqu'un. Puis il dit, ah oh, ouais, ben c'est Gogol Bordello. Ah ouais, cool. Puis après, j'ai vu un film à télé, ça s'appelait Everything is Illuminated. Il y avait Elijah Wood dedans. Puis c'est une histoire d'un gars qui va en Ukraine pour voir ses origines juives, oui, Holocauste, quelque chose comme ça. Oui, puis le chanteur, il joue dans le film. Ben voilà. Puis moi, je trouvais, hey, il ressemble pas mal au chanteur. Puis il y a comme de la musique. C'était exactement lui. Fait que quand ils sont passés en 2012 au Métropolis, c'était la première fois que j'y allais les voir. Puis la première note, il y a deux gars géants qui commencent, ben ils étaient pas si géants, mais ils commencent à bondir à ma gauche. Et moi, j'étais avec une amie, puis on était comme, oh my God, qu'est-ce qui se passe? Puis quand ça bondissait de partout, on était loin du pit. Fait qu'on s'est reculé un petit peu parce qu'on était juste pas prêt. La musique était super bonne, mais on s'attendait pas à... Quand tu étais, mettons, au milieu du Métropolis? Milieu. Il y avait une petite table haute à côté, tu sais, genre avec des tabourets. Ouais. T'étais pas mal en arrière dans le parterre. C'est ça. En arrière dans le parterre, exactement. Fait qu'on est comme, OK, on va reculer un petit peu. Puis ça bougeait all the way, ça bounçait jusqu'au bar en arrière. J'ai jamais vu le Métropolis aussi jam-packed, fou, en train de bouger. D'habitude, il y a tout le temps un endroit chill, tu sais, près du bar en arrière. Ouais, ben complètement pouvoir s'accoter un tantinet, mais exactement. C'est très crowded aussi comme coin, là, les escaliers tout le temps en sécurité, dit « Tassez-vous! » C'est vrai. Anyways, c'était la folie furieuse. Fait que quand j'étais au Rockfest, j'ai allé voir, il y avait eux, Tenacious D, il y a tout le temps genre deux bands, pas les headliners, mais deux dans le milieu que je veux vraiment voir, puis je pense que c'était Tenacious D et Gogol cette fois-là. Puis... Ben, c'est tellement, c'est une ambiance de party, tu sais. Le groupe, il y a, je pense, il y a un gars ou une fille de chaque différent pays. Ben, il n'y a pas 365 gens dans le groupe, là, mais il y a, tout le monde vient de pays différents. Okay. Fait que t'as une sorte de russe violoniste plugué, t'as un accordéoniste, t'as le chanteur qui est ukrainien, t'as, ben, j'ai pas checké d'où ils viennent tous, là, mais le guitariste était pas mal fou. Puis à un moment, il s'est mis comme à scier le bras du chanteur, genre, lui trancher les veines, genre. Scier le bras? Scier le bras avec sa guitare, mais pas vraiment, là. Que de mime, on s'est fait avoir. Puis il verse du vin rouge dessus, parce qu'il y a tout le temps du vin rouge qui balance all the way pendant le show. Ouais, effectivement, c'était le cas aussi le 31. Fait que ça faisait vraiment le move genre, hey, destroy, trash, check nous, du vin rouge sur les veines, waouh. Puis à la fin du show, il y avait deux métal grands ontariens, encore des grands, là, je sais pas pourquoi, il y a des grands partout, là. Deux grands, genre, rouquins ontariens qui se regardent. Moi, je partais du pit pour aller quelque part d'autre. Puis ils se regardent, puis ils se disent, highlight. Fait qu'ils ont vraiment trippé deux métalleux sur Gogol Bordello. Je suis comme, oh, ça touche à tout le monde. À tout le monde doit aimer. Ben, tout le monde. Pas tout le monde, bien sûr. Mais beaucoup de gens, c'est le point qu'on a soulevé avec les gentils amis de Punkzilla, comme quoi ça ratissait large les spectateurs, le type de spectateurs qu'attire Gogol Bordello. Moi, j'ai décelé quand même un bon nombre de cross-punk, mais si tu me dis aussi métalleux, hein. Ouais, un aspect plus violent que la musique en tant que telle. Parce que la musique, c'est juste du rock, genre guitare, rock heureux, mais mais trash en même temps. Ouais, ouais. Trash. Et là, j'ai l'impression que t'as pas été dans le pit au Metropolis, mais qu'au Rockfest, tu vas chez Merci. Ben oui, ben au Rockfest, peut-être tu le sais pas, là, mais y a pas de règle, tu sais. Tu peux y aller où tu veux, n'importe quel groupe, tout nu, whatever. Fait tout que... nu, il y a des gens tout nus dans le pit? J'en ai pas vu, mais tu pourrais le faire. Personne va t'arrêter. c'est no rules du tout, là. Puis, non, j'étais dans le pit pas mal pour Gogol là-bas. Mais je connais pas, je suis pas super fan de Gogol. J'aime juste le feeling, puis leur tune. Puis, je sais pas si je pourrais t'en nommer deux, peut-être je peux t'en nommer trois tunes, genre, mais les placer sur les albums, reconnaître les tunes peut-être. Hey, écoute, je suis tellement pas bonne là-dedans, même pour les groupes que j'aime, fait que je veux pas. J'impose ça à personne de connaître les titres par cœur. Et comme expérience de trash, c'était quand même mollo, quand même compact. On avait affaire à quel genre de technique? OK, ben, il y avait un petit peu, ben, pas les circle pits de métal, tu sais, mais non. Ça tourne, tu sais, ça danse les coudes levés. Mais c'était pas très trash, c'était juste. Mais un circle pit de jig? Oui, circle pit de hippie. Genre qui se poussent pas trop, qui sont pas trop, mais qui se poussent quand même, mais pas genre slam, pas de slammer l'un dans l'autre, juste genre tout le monde se brasse, se colle, puis tout le monde bouge un peu, comme des vagues, tu sais, les gens ça fait comme des vagues. Ouais, ouais, dû au fait que c'est très compact. Ouais, c'est très compact, il y a pas vraiment de mosh pit, de poussage. Voilà, il y a pas de poussage. Il y en avait beaucoup, parce que là, t'es en train de me dire qu'il n'y a pas de règlement au Rockfest, alors ça veut dire qu'il devait avoir 3, 4, 5 pits, ou il y en avait un, c'était quand même... Il y avait quand même une certaine or dans le chaos. Non, il n'y avait pas d'or dans le chaos, il y avait 4, 5 pits, pas mal à chaque band. Ben, j'ai pas été voir les Cowboys Fringants, ça, j'ai skippé pour voir autre chose. Je sais pas s'il y avait un pit pour les Cowboys Fringants. Ah, hey, mon Dieu, c'est drôle, parce que... J'aurais jamais osé faire la comparaison si t'es avais pas mentionné, mais question trash, justement... un peu hippie, accessible, pourrait, beaucoup de hein? gens. Il y a des points en commun, là. C'est... Ouais, c'est étonnant, mais pour moi, c'est assez similaire à la question crowd. Mais musicalement, hey, mon Dieu. Ben, je les mentionne parce que. Je pense qu'ils chantent des affaires trop nostalgiques puis trop je suis en amour ouais. pour pouvoir tuer la chaîne là-dessus. Ben, ils étaient au Rockfest, puis j'ai perdu mes amis, puisque soit j'étais à Tenacious D ou à Gogol, puis ils sont comme, ah, on va voir ça, mais on veut vraiment aller voir les Cowboys Fringants. OK, ben, vous me raconterez. Ouais, ouais. Ben écoute, fan d'une autre époque, je crois, depuis qu'ils font plus des tunes politiques. Ou depuis que Dom Lebeau, il est plus dans les Cowboys Fringants, je pense que j'en consomme plus. Ah, moi, j'ai jamais consommé. Pour avoir la situation réglée. Et la différence entre un show extérieur et un show intérieur de Gogol? Ben, show intérieur, je pense au Metropolis où tout le monde bounçait partout. Il y a plus de règles, tu sais, les gens sont mieux habillés, il y a pas des chemises déchirées, c'est plus genre, pas monsieur, madame va être là, non, mais n'importe qui peut être invité puis aller voir un concert, c'est quand même juste un concert. Rockfest, là, t'invites pas tes parents, genre. Rockfest, déjà, tu veux pas que tes parents te voient là, puis tu veux pas rencontrer trop de gens que tu connais, là, c'est juste, c'est crazy, y a pas de limite. C'est comme ça s'étend sur les côtés, Metropolis, c'est étroit. Je fais plein de gestes de main à chaque canal radio. Ah, ben, t'as dit trois, fait que ça fonctionne. Okay. T'as le vocabulaire en conséquence de tes mimes qu'on ne voit pas. Hey, c'est drôle que tu dis que ça attire pas les familles, le Rockfest, parce que je vais le saluer. Jacques, qui est un auditeur vraiment assidu de CISM, qui vient des fois à CISM, puis on jase. Puis il m'avait dit que lui, il avait eu une très bonne expérience de l'événement depuis que, ben, il a pris la retraite et que ses enfants sont partis de chez lui. Il va voir beaucoup de spectacles. Fait que lui, je pense qu'il faut être. Oui, une famille, mais... Mais est-ce qu'il est allé en famille? Il est allé en famille ou non, il est juste... Non, il n'est pas allé en famille, mais c'est un homme de famille quand même. Ah oui, fait les âges, c'est pour tous les âges. Oui, oui, tu peux inviter ton papa, mais ça se peut que tu ne sois pas exactement avec. C'est ça. Papa, tu veux voir les tunes que tu veux, moi je veux voir les tunes que je veux, et on se revoit dans 3 jours. Oui, ben parce que ouais, j'y pense à l'Olympia, famille justement. Juliette de Pongzilla est allée en famille. Fait qu'il y a un aspect familial, dépendamment l'occasion. Et un autre aspect qui avait été abordé, étant donné que moi, c'est la première fois que je voyais en spectacle, j'avais pas de comparaison. Toi, le côté théâtral, sans dire mise en scène, là, mais juste le fait qu'ils sont d'une certaine manière habillés, colorés, la façon qu'ils bougent, l'attraction qu'il y a. Est-ce que c'était quelque chose de constant? Parce qu'il y en a qui ont trouvé que pour la dernière show, le 31 décembre, c'était plus théâtral que ce qu'ils avaient vu auparavant. J'avais vu pas mal de couleurs, mais c'était pas très théâtral, à part des histoires de faker, de ouais, se trancher ouais, les ouais, veines. Dans ce genre de, disons, des actions théâtrales, mais sans dire une mise en scène avec des costumes, puis des décors, puis des personnages. Ben, peut-être qu'il y en avait, mais pas tant que ça, ça m'a pas frappé, puis c'était là, c'est vraiment la musique. Il y avait du vent qui flash, splashait partout, puis je pensais tout le temps au fil et aux guitares et à toute l'électrique autour, là, mais ça a l'air que ça va. Hey, un dernier mot, quelque chose qui te flash? Qui me flash? Ce gars-là, là, le chanteur de Gogol, il est d'habitude torse nu, right? Ouais, effectivement, même sur ses couvertures d'albums, il est en chest. Ouais, puis c'est ça, il est là avec sa guitare acoustique. Moi, c'est lui mon image de Gogol. Je sais qu'ils sont 9 ou 10 dans le band, mais je l'aime beaucoup, ce gars-là. Puis je pense, tu sais, quand t'aimes un personnage, ou comme tu dis, théâtre un petit peu, là, t'aimes son personnage, le chanteur qui est, fait que je pense que c'est ça qui m'attire pas mal pour le groupe. Cool. Bon, ben, hey, t'as-tu une bande spéciale en musique? Tu veux mettre du Gogol? Ben, je vais en mettre plus tard dans l'émission, fait que ouais, ça va être un peu bon, dis de même. Tu veux mettre du Me First and the Gimme Gimmies? Hey, allons-y. Cool, yes, merci. Sur les ondes de la marge. Un nom pour ton qui, n'importe qui, c'est pour toi. Je t'ai dit n'importe quoi. Elle se faisait de te parler pour un peu plus de guitare à la main, ce soir matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, et l'on n'a même pas passé, et ça m'a fait. Vous venez d'entendre Me First and Gimme Gimme's. Mauvaise réponse. Vous avez plutôt entendu No FX avec la chanson Champs-Élysées. Et c'est mon cerveau qui a fait beaucoup trop de mauvais liens et de bons liens puisque Leroy est en France. Alors, c'était mon hommage pour lui qui est à distance. Et c'est le moment, cher auditeur de CISM, que vous vous dites: mais Jolène, comment il a fait pour être en direct de CISM puis pas être là? Ah, ça, c'est la magie de la radio! Et sur ce, après les publicités, ben, OK, pendant les publicités, je bricole une étoile à la mère de Juliette, c'est promis. Et sinon, après les publicités, je vous parle des cocopes, je vous parle de Jolène, puis je vous parle de mes omoplates, tout ça, ben oui, après la pause. Tous les jeudis dès 19h, c'est la session live dans les studios de CISM. Le jeudi 26 janvier, la session live reçoit Exit Someone. Préparez-vous à une heure de musique en direct, d'entrevues, de choix musicaux et de découvertes en compagnie des artistes les plus intéressants du moment. Soyez au rendez-vous sur les ondes de CISM 89.3 FM. Voici une suggestion de nouveauté à ajouter dans ta playlist. La voix de ton GPS, c'est celle de Walt Disney. Ton instinct, c'est... Essaye Chevy Chase, le deuxième album de Rouge Pompier. Mersol volume à 11, puis va voir leur clip sur YouTube. Chevy Chase est disponible maintenant, en CD, en vinyle, puis en ligne. La fin de semaine t'a coûté cher et tu veux continuer le party? Eh bien, les petits mardis à 4 piastres à l'Abreuvoir sont là pour toi. Ici Michel Kunta qui t'invite à prendre une petite pause entre deux examens. Au menu, les mardis, drinks et bières à 4$, deux shooters pour 4$, et si tu like and share l'événement sur place, tu obtiens un shooter gratuit. La seule raison pourquoi tu manquerais nos petits mardis à 4 piastres à l'Abreuvoir, c'est si t'es en train d'étudier. Et même si t'étudies, ben, la Bibliothèque nationale est juste à côté. Where you at, guys? L'Abreuvoir, bar et terrasse, 403 rue Ontario Est à Montréal. Prenez part à la poésie de Catherine Major lors de son spectacle La Maison du Monde à la Maison des Arts de Laval. Elle accueillera pour l'occasion sa bonne amie Ingrid Saint-Pierre à partager la scène l'instant de quelques chansons. Qui c'est qui est là dans son cœur? Une soirée lumineuse et riche en émotions. À vivre à la Maison des Arts de Laval le 8 février prochain. Réservez dès maintenant au salondrimathieu.com. C'est déjà l'heure du troisième week-end d'Igloo Fest. Venez danser en plein air au son des meilleurs DJ locaux et internationaux. Au platine ce week-end, Cats & Dog, Clapton, It's Everything, Laurent Lane, Laurent Garnier et Oniris. Igloo Fest, c'est tous les jeudis, vendredis et samedis du 12 janvier au 4 février au Vieux-Port de Montréal. Pour les billets, rendez-vous sur notre site web ou à notre Igloo Boutique. Toute la programmation au igloofest.ca. Vous écoutez CISM 89,3 FM. Jamais j'oublierai qu'un ni comment ça s'est fait. Elle est celle qu'il me faut. Je veux crier au monde entier qu'on s'aime. Na na na na na na. Dire que ce jour-là j'aurais pu regarder ailleurs, jamais savoir, j'aurais pu ne jamais la voir. Dieu merci, je dors près d'elle ce soir. Na na na na na na. Tomber, oui j'allais tomber. Elle m'a rattrapé au bon moment. Jamais rien vécu de tel, j'étais sans elle, j'étais tout seul, même quand j'étais avec les autres, y'en a aucune qui m'a fait vivre ça. Na na na na na na. Tomber, oui j'allais tomber, elle m'a rattrapé au bon moment. Son visage, jamais j'oublierai qu'un ni comment ça s'est fait. Elle est celle qu'il me faut. Je veux crier au monde entier qu'on s'aime. Na na na na na na. Tomber, oui j'allais tomber. Elle m'a rattrapé au bon moment. Falling, yes I am falling. And she keeps calling me back again. All in, oui je suis all in. Je l'aime en Colin, Colin the Bin. Vous venez d'entendre une reprise des Beatles de Frank Cousteau avec Pépé. J'ai vu ton visage qui se retrouve sur la compilation Zoo. Alors, si vous avez aimé, vous pouvez aller le voir ce soir au Divan Orange Camp. Effectivement, ça se passe au Divan Orange. Et effectivement, tu écoutes toujours CISM, critique de crowd, Jolene, tout ça en même temps. Et des suggestions parce que je te parle de crowd, mais c'est encore plus le fun quand t'es dans la crowd. Et ce soir, il y a aussi Gab Paquet aux soirées Janine Janim. Et là, c'est le moment où faut pas mélanger Janine Janine, puis ton cerveau il devient tout mélangé. Tout ça se passe au Quai des Brumes. Vendredi, dernier spectacle pour Rosie Vallard, ça se passe à la Sala Rossa. Samedi, Claude Nothings, je crois que c'est assez attendu comme show, ça se passe au Théâtre Fairmount. Sinon, hey boy, qui s'en passe des affaires samedi, il y a Fred Fortin dans Schlaga, parce qu'à Maison de la culture de Maisonneuve, il va être là pour te jouer le tremor. Ah! Si t'as envie de gueuler, mais plus, pas comme ça, mais plus comme... avec du Power Cup, Mort Lâche, Pas Fin, Sensory Deprivation. Ils sont tous au bar fly, puis Pas Fin, ils viennent de Trois-Rivières, je viens de Trois-Rivières, fait que ça, je trouve ça beau. Et sinon, ne va pas si tu n'as pas ton billet au Club Soda, puisque effectivement, la tournée de l'Hostie Tour, ben ouais, c'est complet. Mais fais comme moi, si tu veux voir à la Claire et Brown et Corias, ben vas-y le 4 février et fais-moi des coucous. Fait que ça va être bien agréable. Et dimanche, le rappeur Antoine va peut-être continuer sa fin de semaine en force en allant voir T.I. à l'Olympia. Lundi, je ne connaissais pas ce groupe, mais le nom est beaucoup trop savoureux. C'est Sex After... si tu vas le dire comme du monde. Cigarette After Sex, qui est un groupe de Brooklyn qui font... Ils proclament qu'ils font du pop slow motion. Et quand même, pour la musique, vous irez l'écouter. Ça, je trouve que ça correspond bien comme définition. Ça se passe au Ritz PDB. Et vous me direz si la crowd était au ralenti. Et mardi, Théâtre Saint-Denis accueillera Mogwai et finalement mercredi 1er février, Kid Koala présente son nouvel album. C'est le premier 2, 3, 4, fait que t'as plus qu'une voix pour te rattraper. Ça se passe au Centre Phi. On va continuer la musique. Je t'ai parlé de Gab Paquet, peut-être que t'as envie d'en écouter. Ben, quand ça se passe là, c'est Diamant qui est en 19e position du palmarès francophone de CISM. Cette chanson se retrouve sur son album Santa Barbara. Et pour continuer dans cette lignée comico-comique capacité capillaire, ben Maxime Gervais avec Événement familial, parce que oui, le show Gogol, c'était aussi un événement familial. Ce soir, je la sors dans les clubs qui la branchent. Au lieu de la voir faire sa danse devant des cons qui s'en branlent, son corail dans la brume. Entre les vagues de sa nuque, je suis son pédoncule, je suis le ton sur son sucre, sans phare sur le boulevard, elle retouche son maquillage, bientôt les boules miroirs toucheront son coquillage, elle se reparfume à l'hôtel sur la Bible, des cierges qu'elle allume. De sa robe invisible. Ce soir je l'adore quand sur mon corps elle se penche. Enfin je vois sa peau blanche et j'entends chanter les anges. Son bronzage sur la dune. À l'ombre de sa lune. Les yeux dans la lagune. Chacun sa chacune. Ses rêves sont sur le trottoir où elle côtoie toutes les stars. Les limousines qui passent et les caniches qui aboient. En haut du building de verre, elle a perdu l'équilibre. Elle a remis à l'envers sa robe invisible. Elle ne fait plus l'étoile de la pénombre à l'aurore. Précieuse comme le cristal qui ne dure qu'un instant. Se couche le doux soleil d'or sur les plages d'argent. Elle ne porte seulement qu'un collier de diamants. Qu'un collier de diamants. sort des oreilles. Tout ce qui se passe autour est comme un brouillard, comme un rêve. J'poigne un fusil à l'eau, la garde réveille. Événement familial. Cette chanson se trouve sur le plus récent album de Maxime Gervais, Artiste raté. Vous avez aussi entendu Gab Bagué avec Diamant. Pour toutes les positions du palmarès francophone et anglophone et instruit, tout ça ensemble, va sur le site de CISM, cism893.ca, puis il y a bien de la magie qui se passe. Sinon, ben, t'écoutes toujours Critique de Crowd qui te jase de Gogol Bordello qui jouait à l'Olympia le 31, oui, le 31 décembre dernier. Je sais, je me trouve drôle d'en parler aussi loin, mais je trouve que se souhaiter bonne année, on peut le faire toute l'année, souhaiter bonne année, je veux dire, il y a pas, ben oui, ça, il paraît qu'il y a un bon moment pour le faire. Il paraît que le bon moment, c'est une fraction de seconde qui se passe comme entre 31 et une, moins une seconde, un millième, millième, millième, puis 2017. Justement, c'est ça qui m'agace. Oh mon Dieu, c'est ça qui m'agace avec le nouvel an, c'est qu'on célèbre une fraction de seconde. C'est comme 3, 2, 1, yeah! Confetti, ah, champagne, brou, brou, brou, de la bulle, tout le monde s'énerve, là, le monde ouais, se donne des becs, sont heureux. Fin de la fête. Non, je sais que c'est pas vrai, là, je veux dire, il y a avant, il y a après, mais, tu sais, c'est, ouais, c'est, ben, c'est un momentum, tu sais, c'est comme, ah ouais, fraction de seconde, c'est parfait. C'est les transitions. Et en même temps, je trouve ça beau qu'on célèbre les transitions. En même temps, on pourrait trouver que c'est une conception, ben, une fabrication assez humaine, c'est les transitions. Quand est-ce qu'on fait des transitions, comme, fin des études, bal des finissants, la majorité, t'es un adulte, waouh! Mais en même temps, ben, c'est ça, ça existe pas la majorité, là, je veux dire, c'est humain. Mais les saisons, ça existe, c'est des transitions. Fait que c'est légitime, puis il y a des fêtes qui sont faites par rapport à des changements de saison. Fait que, ouais, je me suis un peu réconciliée là-dessus, et surtout grâce à Gogol, c'est Juliette de Pongzilla qui m'a vraiment dit, hey, je veux fêter ça en famille. À l'Olympia, on t'adopte pour la soirée. Et pas que j'aime pas ma famille, je l'aime de tout mon cœur. Genre, ma maman, c'est ma personne préférée. Mais voir un spectacle pour commencer et terminer une année, pour Critique de Crowd, c'était comme la meilleure chose au monde. Et ouais, je trouvais ça très drôle. Dans... Question crowd, emprunter une crowd avec des liens génétiques, ça me faisait beaucoup rire. Surtout parce que la mère à Juliette, elle s'appelle Yolène, on était faites pour s'entendre, on rimait. Fait que j'ai beaucoup capoté en la rencontrant parce qu'effectivement, elle est toute petite. Fait que j'étais comme, oh mon Dieu, une mini Yolène, c'est parfait. Fait que moi, j'étais déjà, le show avait pas commencé puis j'étais déjà conquise. Hey, Gogol Bordello, pour ceux qui en ont jamais entendu, peut-être que cet extrait va te dire quelque chose. Story of Mais je crois que c'est la chanson la plus connue de Gogol, Wanderlust King. Enfin, je l'espère. Mais autrement, le groupe existe depuis 1999 et le fameux chanteur qu'on a parlé avec Leroy tout à l'heure, c'est Eugene Utz, qui est le dernier membre original du groupe, à part on a parlé aussi du violoniste Sergei, qui est là depuis 2000. Mais il faut le mentionner, il a un très grand charisme, il est très grand, il est très mince, il est très en chess et il est très en moustache. J'ai googlé tantôt pour être certaine s'il avait toujours eu une moustache. Hélas, il y a certaines photos qui m'ont l'air assez anciennes, puis il y en a avait pas, mais non, ça c'est le genre de personne que il coupe sa moustache, il n'y a plus de carrière. T'sais, c'est plus la même personne. Pas avoir les cheveux courts, pas courts, on s'en fout. Moustache, il mène le monde. Et... mais il mène pas la crowd, mais il mène le spectacle. Il est très proche du public. Vraiment, c'est un très, très bon show. Et c'est clair qu'ils sont rodés depuis le temps qu'ils existent. 10e album, on en attend un nouveau pour cette année. Et question genre, oui, on a beaucoup associé le gypsy punk à Gogol Bordello, mais en tant que tel, disons, gypsy rock, ce qui serait associé à musique joutane et rock. Le premier groupe, ce serait Motorhead Bug. Pourquoi pas? Mais oui, je pense qu'on pense du gypsy punk, on pense beaucoup à Gogol Bordello, même si la notion est un peu critiquée justement par les communautés roms. Mais, il y a quelque chose de très beau dans la crowd et dans l'esprit du groupe qui a comme mission de faire une fête ultime de façon incisive, qui veulent vraiment amener leurs propos politiques, mais dans une très, très, très, très grande fête. C'est, oui, le côté rassembleur, comment c'était varié, on l'a mentionné tout à l'heure, mais oui, la crowd est extrêmement variée. Et une chose que j'entends pas si souvent par rapport à des groupes qu'on affectionne énormément, c'est le fait qu'on n'a pas besoin de connaître tous les albums, toutes les chansons. Je trouve qu'il y a quelque chose d'anti-puriste et ça fait tellement du bien, tu sais, par rapport à d'autres genres musicaux que, ah là, moi je connais toutes les tunes par cœur, je connais la biographie par cœur de tous les musiciens en ordre chronologique. C'est un peu, moi ça peut être un peu agaçant, tandis que là je trouve que c'est rassembleur parce que tu connaisses tous les albums, que tu les aimes depuis le début, que les connaisses pas pantoute. L'important c'est que t'aies le cœur ouvert. Et ouais, c'est ça qui se passe dans la crowd. Fait que je trouve ça extrêmement beau. Puis c'est ça aussi que le groupe en tant que tel amène. Et je crois que peu importe la date, que ce soit le 31 ou n'importe quel jour, ben c'est même ça se passe. Par rapport, aux anecdotes qu'on m'a contées, mais à ce que j'ai vécu, j'ai l'impression qu'ils sont toujours égaux à eux-mêmes. Alors sur ce, ben je parle de nouvel an. Fait que j'ai décidé de pas vous passer la nouvelle chanson dans le Kid Fire, mais plutôt... revisiter leur discographie puis se rappeler que, ouais, c'est varié leur musique. Une année sans lumière. See you. Une année sans lumière d'Arcade Fire sur leur redout album Funeral. Et vous écoutez Critique de Crowd, encore. Et qui, ben oui, là, elle arrive en salle pour Gogol Bordello. Ben oui, j'arrive pas pire à l'avance quand même. Assez pour voir la crowd s'installer. Et on prend ça relax. Je dis, oh, moi, ma famille adoptive, mes comparses d'amis. Et qui dit spectacle dit pour certains, boire de la boisson! Et... Tu sais, on chiale beaucoup contre le prix de certaines salles. On va les laisser anonymes. Mais reste que cette fois-ci, mon ami était resté un peu bête par rapport au coût de la bière qui pouvait ben, effectivement paraître un peu élevé par rapport à la qualité de la boisson. Et ça, ceci étant dit, par rapport au spectacle que je vous ai critiqué la semaine dernière sur mon oncle Serge, le monde était extrêmement en boisson. Mais Gogol, je trouve que le monde était relativement, ben oui, modéré, tu sais, sympathique, peut-être très sympathique parce que, bah, il y en a qui ont besoin d'être alcoolifiés pour être sociables, mais je trouvais les gens très respectueux, beaucoup de savoir-vivre, fuck, je fais le lien entre, ouais, la boisson était tellement chère à l'Olympia, fuck, le monde avait un bon seuil de savoir-vivre. Alors, ouais, dans un sens, c'est correct. C'est correct aussi que tu prennes ton pré-drink à l'extérieur de la salle. C'est bien correct. Tout ça, c'est correct. C'est juste qu'on a beaucoup qui faisaient le saut parce qu'il y avait des éco-copes. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, chers auditeurs, les éco-copes, c'est des... Ben, le monde dit « cop » et avec son beau préfixe « éco », mais c'est un cop écologique en plastique. Là, après ça, écologique, on pourra se douter avec le plastique. Ça, c'est un autre sujet. Alors, bref, le cop en plastique, c'est pour éviter que... tu partes avec le verre, que tu jettes du verre, puis du verre, ben là, il sera pas esclave parce qu'il va être en 1000 morceaux. Et c'est 2$ de plus sur ta commande. Il y en a qui trouvent ça, ah mon Dieu, c'est bien fou. Non, tu ne perds pas d'argent, festivalier, tu ne perds pas d'argent, spectateur. Puisque, boum, à la fin de la soirée, tu te sens riche parce que tu ramènes ton verre, puis tu gagnes 2$. Fait que là, ça, c'est fou, là. Tu capotes sur ton argent. Reste que ça a eu un facteur dans la crowd qui a des éco-copes. Je reviendrai sur le sujet, mais moi-même, j'ai un certain... point d'interrogation dans la face en voyant les éco-copes en salle. Souvent, c'est en festival, à l'extérieur, tu sais, on se promène, on s'amuse. Et briser du verre, ça pourrait être un peu compliqué à l'extérieur. À l'intérieur, ben, tu peux mopper, là, c'est pas ce pire. Mais, je me suis dit, moi, j'aille ça faire la vaisselle, puis c'est la compagnie qui lave leur cop. Fait que Olympia, je te comprends. Moi aussi, j'aille ça faire la vaisselle. Sur ça, pendant que je pense aux éco-copes, puis j'attends la commande de mon ami, ben, il y a quelqu'un qui me spot la face. Oui! Et c'est quand même particulier, parce que je suis pas, ben, radio diffusablement impossible. Qu'on voit ma face, ben sur internet oui, mais pas radio. Bref, on voit pas ma face à la radio là, genre même si je te décris j'ai un nez, une bouche, c'est pas si efficace. Fait que reste la personne, elle arrive, puis elle me dit hein, ou elle me demande si je suis Jolaine, ou elle sait déjà d'avance. Bref, elle avait l'information, et moi je suis restée un peu surprise. J'ai dit hein, t'es bien cute, hein, t'es bien fin que t'aimes Critique de Crowd, puis c'est bien fin que tu m'avertisses que Gogol ça va être une foule de malades. Hey, c'était joyeux, ça a tellement bien terminé mon année de rencontrer un auditeur, une auditrice plutôt de CISM. Je vous aime tellement. J'étais comme, oh mon Dieu, t'es bien belle. J'ai fait un câlin comme si je la connaissais depuis toujours. Et là, évidemment, c'est évidemment parce qu'à chaque fois que je suis proche d'un bar et que je suis excitée, je suis comme, oh mon Dieu, il faut souligner la chose avec un shot. Et j'ai pas le temps parce que la fille s'est enfuie. Morale de cette histoire. Quand je suis excitée, proche d'un bar, puis que t'écoutes CISM, reste là 2-3 secondes de plus, ça se peut que je te paye un shot. Et je... C'est pas pour parler nécessairement juste d'alcool que je vous parle de ça, mais pour de vrai, je trouve que le shot, c'est comme un rituel crowdien très intéressant. Bon, OK, 2, c'est pas une grosse crowd, là, mais mettons à plusieurs, contrairement à commander des bières, c'est plat, c'est pas sociable. C'est un shot... Tu sais, il y a le mouvement, il y a le cheers, on partage. Oh mon Dieu, faut pas en échapper. Le cul sec. Déjà, j'adore l'expression cul sec. Puis après ça, tu donnes un petit coup sur le comptoir. J'adore les rituels. Alors, sur ça, ben, fille, si tu te reconnais, ben, la prochaine fois, je t'en dois un. Et sur ça, les sœurs Boulay, ils chantent des shots de force sur mon bras, puis je trouve que c'est assez à propos. Petit bail, remis les choses à leur place. Pas laisser de mots, juste ma photo en grimace. Ça fait du bien, un peu de vin dans la face. Ah ah, je suis cassée tête, mais j'ai trouvé une coupe de pièces pour aller boire des choux. D'entendre les sœurs Boulay, des shots de fort sur ton bras. Je sais pas si elle en offre, par exemple, j'ai pas l'information. Cette chanson se retrouve sur leur premier album, Le poids des confettis. Et première partie de Gogol Bordello, c'était Low Cut Connie. J'ai souvent une volonté de... Tu sais, même quand j'y assiste pas, là, oui, je suis en retard dans vie, fait que je manque la première partie, mais des fois, je les écoute chez nous, puis je suis comme, ah, c'est excellent, je les ai manqués, c'est excellent. Ouais, c'est pas super pratique. Mais reste que cette fois-ci, j'étais dans une indifférence assez totale. Peut-être que j'étais focussée à Gogol, peut-être tout simplement mon attention était juste pas là. Le genre musical aussi, c'était un peu soft rock. Mais musicalement, ça... Ouais, peut-être que ça fitait pas tant, mais scéniquement, ça avait du sens avec Gogol, puisqu'il y avait beaucoup de théâtralité. Le chanteur, là, ah, il soulève un banc de piano à bout de bras et joue de la guitare sur le piano. Oui, il y a un piano, effectivement, dans le groupe. Ça saute. Une attitude spectaculaire, je dirais, plus que théâtrale. Et le guitariste qui faisait beaucoup des mouvements de tenir sa guitare sur ses hanches. Bref, je trouvais que ça faisait un peu phallique pour rien. Et ouais, j'étais loin dans la foule et oui, c'était ouais, spectaculaire, mais bof, ça venait pas me chercher. Fait que je suis restée loin. Alors, je n'ai vu que, disons, du deuxième étage. Encore une fois, je suis proche du bord. Fait que de là-bas, j'observais comme quelques sautillements, des bras en l'air. Il y en avait un qui avait l'air ben excité. Tu sais, il y en a tout le temps un que c'est son groupe, la première partie, puis après ça, il sac son camp. Bon, ben, il y en avait un, là, à la clôture, là, lui, il est excité, mais... À part de ça, c'était quand même assez tranquille. Un point que j'ai beaucoup apprécié, et ça a zéro rapport avec Low Cut Connie, c'est le fait que l'Olympia et ses employés ont démonté la zone VIP. Ben, je suis arrivée, puis il y avait une section complètement vide de crowd avec des tables rondes, puis des nappes. Ça faisait propre. Je sais pas, peut-être qu'il y avait eu l'apéro avant, mais non, c'était pas pratique, puis je suis vraiment contente de les démonter. Je suppose que c'était VIP, étant donné que c'était encore une fois, bah, sans dire clôture, mais oui, là, c'était clôturé, mais à l'intérieur d'une salle. Et misère. Des fois, en plus, les zones VIP, c'est pas si VIP que ça. Là. T'as payé comme 30$ de plus, puis tu payes le même prix que tout le monde sur le reste de tes commandes de jus de fruits. Fac! Des fois, j'en vois pas tant l'intérêt. Et ouais, je suis très, très heureuse de ce démontage. Je l'ai vu, puis j'étais satisfaite. J'étais comme, merci, je me sens encore mieux. Je me sens plus libre, plus d'espace. Il y en faut. On était 2000. Je sais pas si c'était sold out, mais en tout cas, c'était une bonne crowd. Et comme crowd est assez coloré de par ses cheveux jaune, rose, vert, arc-en-ciel. Oh, bien, oui, bien punky. J'ai mentionné post-punk, non. Cross-punk. Le monde, ouais. Tu sais, c'est la folk salle, même crowd à Gogol, j'aurais pas fait de différence. Et des filles qui avaient l'air habillées un peu mardi gras avec les longs colliers colorés, beaucoup de paillettes. Ouais, il y avait du monde, là, vraiment sur leur 31 ou leur 36. Moi, j'irais à 36 parce que ça a l'air plus élevé pour dire qu'ils sont bien, bien chic. Et surtout, j'ai vu, je parle de cross-punk, mais il y en avait un qui avait une patch des ordures ioniques. Oh, mon Dieu, elle était tellement belle et surtout, tu dois tellement être fière de l'avoir encore aujourd'hui. Je vais vous en passer plus tard du ordure ionique parce que j'ai vu la patch puis je capotais puis je la trouvais... Ah oui, j'étais émerveillée. Il n'y a pas d'autre mot. Mais en attendant, étant donné que la crowd était variée mais incluait aussi des matantes, mais j'avais vraiment envie de vous passer ma tante piquante, ma chanson préférée de Cheval Fou. Ah! Mais mon voyage astral arrête ça, ça gâche, mais t'es pas bien. ever been to American Wedding? Where is the vodka? Where is marinated herring? American Wedding. Hey, je pense qu'ils l'ont même pas joué au spectacle, Caroline Debien. Fait que je vous ai pas passé la première chanson du show qui était plutôt Art of Life. Ben oui, Gogol va bien finir par jouer. C'est une nouvelle âge, je te le rappelle, cher auditeur de CISM. Qui dit début du spectacle. Et c'est drôle, les chansons de Gogol, je trouve que l'intro est toujours un peu lente, puis après ça, boum, puis après ça, c'est comme toute la musique violon. Ah, c'est la folie, c'est la folie. Et j'ai l'impression que ça a une certaine influence sur la crowd. J'ai mentionné qu'il y avait beaucoup de cross-punk. Ça, c'est ma perception à moi, parce que oui, j'aime beaucoup les punks, fait que je les observe plus que la moyenne des gens. Et je les trouvais plus nombreux parce que je regarde le pit. Et c'était eux qui étaient constamment dans le pit, qui en faisaient vraiment la différence dans le dynamisme. Parce que... parce que ouais, un cross-punk, ça s'en fout de quand ça commence la toune. S'il a envie là, que tout de suite, il s'en va dans le pit, les ramasse tout le monde, bah, je m'en fous! Puis, ouais, la toune commence tranquillement avec Gogol, puis là, tu te dis, voyons, mais ça, c'est pas le timing pour commencer à trasher. Non, tu comprends pas, c'est le nombre de punks qu'il y a dans la salle. Et je sais qu'il y en a pour certains qui se font pousser à des moments inopportuns par rapport au spectacle. C'est un peu agaçant. Et moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous. Je les aime. Je les trouve beaux. Ils font ce qu'ils veulent. C'était un trash assez chaotique, surtout par rapport à la musique. On parle beaucoup du fait que c'est convivial, sympathique, quelque chose, oui, de familial, mais ben comme de fait avec avec Yolaine. Mais je trouve que c'était beaucoup plus brutal, plus violent, dans le sens que oui, fallait que tu décides, t'es-tu sa défense, t'es sur l'attaque, parce que sinon tu vas te faire manger tout rond par le pit. Ben il y avait pas de circle pit, c'est pas un trash avec une technique régulière, récurrente. Faut que tu sois à l'affût, faut que tu sois à ton affaire. Ouais. Et surtout j'ai dit le chaos incluant lançage de bière à 10$. Moi ça me fait toujours capoter, je me dis oh, il m'a coûté cher ce shampoing, parce que oui, j'en avais plein la tête, mais c'est pas grave. Ça faisait assez partie de l'ambiance. Non, il n'y a pas eu le temps de lancer de bière parce que, ben justement, elle est chère, fait que tu l'économises. Et plutôt, tu traînes ton verre vide. J'avais jamais vu ça avant en spectacle. Et c'est pas la première fois, parce qu'avant, l'ancien Théâtre Fairmont aussi avait déjà essayé les éco-copes. Mais étant donné que des fois, on peut voir en show cabaret, j'avais pas eu ce drôle de sentiment de trasher avec ton verre vide. Pas moi, mais mettons le monde que tu pousses. Ils les mettent dans leur poche, là, ils tombent. Oui, course à obstacle, parce que là, il y a plein d'éco-copes partout. Tu sais, ça s'écrase pas comme une canette de bière, puis ça s'écrase pas comme un petit verre jetable qu'on aime pas, puis c'est triste. Mais reste que là, mais ça, c'était quand même un peu drôle, parce que les gens, des fois, ils réalisent pas que ça coûte 2$, puis ils vont avoir leurs 2$. Fait que des fois, genre, il y avait des gens qui... Il empilait les verres, et il y en a d'autres, genre, qu'on donnait, tu sais, on voyait qu'ils en collectionnaient, puis on disait, hey, prends-les, puis ils comprenaient pas pourquoi on leur donnait des verres. Je fais comme, mais tu vas faire de l'argent, t'es riche, garçon! Fait que là, tu faisais le bonheur de quelqu'un le dernier jour de l'année, c'était assez parfait, mais tu rushes avec son verre, c'est pas pratique, vraiment, là, tu sais plus où, j'avoue que quand t'as pas de grosse poche, tu sais pas où mettre, c'est pas pratique. Fait que, ouais, c'est, faudrait trouver une solution. Olympia, je te jase, trouve une solution avec tes verres, parce que ça devient un peu dangereux. Et je sais pas, c'est clairement pas un éco-cop qui m'a fait ça, là, mais j'ai eu une grosse scratch sur l'omoplate par rapport... J'accuse les studs. Et justement, cross-punk, des plus gros studs. Mais j'ai vraiment été éraflée là, de tout le long de mon dos. J'ai fait comme, OK, vigilance et endurance, ce sera encore plus le cas, oui, pour moi, parce que le pit amène ça. Mais ouais, certains accessoires faisaient que, ouais, ça pouvait être doublement dangereux. Et là, la joie de vivre dans le danger. J'en ai plus de mots. C'est pour ça que je vais tout de suite tomber à minuit. Ah, 3, 2, 1, bonne année. Et oui, ben oui. On le savait qu'il y avait avoir des ballons qui allaient nous tomber sur la tête. Il était accroché au plafond. Moi, je trouve ça drôle parce que c'est impossible à cacher, là, des milliers de ballons. Mais en même temps... Si c'était dans le principe que c'était une surprise, c'est impossible. Il y a personne qui va faire comme « Ah, je ne m'y attendais pas, ce grand filet au-dessus de nos têtes. » Et, ben oui, c'est sympathique. Mais il ouvrait juste d'un bord, fait que ça faisait comme des chutes, mais comme une, deux chutes, là, il y avait deux filets de ballon, comme deux chutes qui se versent, fait que soit t'observais la chute de loin, soit t'étais drette dans le spot, c'est selon. Ça, c'est sympathique, mais... Encore une fois, une chose jamais vécue auparavant, c'est écraser des centaines et des centaines et des centaines de ballons par des centaines et des centaines et des centaines de petits pieds en même temps. J'avais l'impression d'être dans une énorme machine à popcorn. Tu sais, au début, c'est « Ah, c'est drôle, on les relance. » Oui, surtout, c'est drôle. Le but, c'est de les relancer, non, pas de les écraser. Mais les choses arrivent. Et là, c'est « Pow, pow, pow, pow. » Mais ça arrête plus, là. C'est comme exponentiel. « Pow, pow, pow, pow. » Machine à popcorn humaine. Drôle de sentiment. Je sais pas si c'est agréable, mais c'est particulier. Sur ce, ben, bonne année encore, crowd. Puis pour le popcorn, ben, on va écouter Popcorn, Vulgaire Machin. Pas de photos. Ça y est, j'ai une oreille de boucher. À force pour me boucher, en espérant que ça sort par le nez. Je pleure, je crie, je prie, je supplie. Quelqu'un de retirer l'indésirable de mon mange-pain. C'est super, je prévois la fin. Je dois trouver un moyen. Mais j'ai perdu la confiance. Il m'en revient qu'à Dieu. Pendant que dehors se questionnant sur l'intérieur, m'acclame mes admirateurs. En amour avec leur tour. En train de marcher dans le no man's land. Il fait frais, mais les moutons y ont toujours de la laine. À l'ombre, ils sont bains, il fait pas trop chaud. Mais si le soleil frappe, faut y'a la crème dans le bureau. Depuis le contrôle du feu jusqu'à la température, ils brûlent le soleil parce qu'il leur fait la vie dure. Ça se voit downtown. Les gens veulent pas de chaleur, mais savoir là. Des talons hauts, je leur demande c'est quoi le trip avec le tout si haut. Puis je comprends que quand il pleut, t'es un parapluie. Mais tes lunettes fumées, t'en as sûrement pas besoin ici. C'est tellement sombre, les l'en bataille de peut-être ou pas, genre l'allégorie, la caverne, moderne dans l'envers, ils me disent downtown. On se fait pas d'illusions, mais des millions. Je me dis que le monde ici n'a rien à m'apporter de dire. Sur tête de Pookie, le SDF, ouais, tout dit. Moi, il demandait qu'est-ce qu'il y aurait pas de bon à me dire. La vie me chie dessus, je suis perdu dans le fond du trou. Le soleil, je cherche plus d'air et pas quelque chose. Ça se voit calme, calme. Produit la misère, ça n'a pas de rien. Comme l'alcool est proche de l'héliop très mince. Même pour leur crier, arrêtez de travailler. C'est l'été, faudrait au moins en profiter. Mais non, y'a dans le deux semaines de congé. Ça s'arrive même deux fois par année. Fait que je retourne un parc respirer du bonheur. Si jamais il fait trop chaud, y'aura toujours l'ombre des arbres ou de la petite bière. En se disant que downtown, c'est la dernière place où je voudrais être. Aïe, aïe, si les vulgaires machins sont bien punk avec leur chanson Popcorn de leur album Regarde le monde. Je crois que l'esprit punk dans Teinte à mort représente vraiment très bien le type de crowd qu'on a affaire à Gogol. Et aussi, c'est même ambiance. J'ai envie de dire que c'est le même monde aussi, là, mais... mais à plus grande taille, là, étant donné l'Olympia, mais la même énergie qu'on retrouve dans le folk sale, ben oui, vraiment, vraiment, je trouve qu'il y a des similitudes et c'en est pour ses avantages, la convivialité, le sentiment, ouais, d'être dans une crowd que c'est invitant, c'est sympathique, mais ouais, il faut être quand même préparé, ouais, ça a l'air niaiseux, mais il y a quelqu'un qui a perdu ses lunettes. Mais hein, on est sympathique, on était comme une équipe complète à retrouver ses lunettes en groupe. Je vous le dis, c'était une victoire quand on les a retrouvées, le monde a applaudi. Mais oui, tu sais, c'est varié dans le sens où, puis dans l'esprit punk, ben oui, il peut y avoir des filles qui se sont quand même bien grillées pour la soirée, mais qui poussent, sont pousseuses et heureuses. Des gypsies qui ont l'air à des sorcières, puis ils trash comme des sirènes. Par contre, je parle beaucoup de trash parce que le body surf, je l'ai trouvé assez plate, merci. Tu sais, c'est comme tu fais une planche à laver tout le long, puis le gardien de sécurité te punk sur le bout. Ouais, ouais, ça, puis le stage dive, il y a quelqu'un qui a essayé au début du spectacle. Et non, fallait vraiment pas, elle s'est fait vraiment ramassée comme étalée en coulisses et on ne l'a jamais revue. Alors sur ça, l'Olympia n'est pas très sympathisant du stage dive. Surtout, il faut être quand même très téméraire. Il y a une bonne distance entre la scène et la crowd. De quoi de se péter la gueule assez facilement quand même. Et sinon, ben oui, j'arrête pas de te parler de crosspunk, puis je suis biaisée parce que j'ai un ami que j'ai retrouvé dans la crowd et il est vraiment, tu sais, c'est un vrai féru de spectacle et de pit et de trash. Fait que tu sais, il m'a pogné puis il a fait comme « Ah ouais, Jolene, on trash à deux. » Puis c'est le moment où tu te dis celui qui a le coude pointu là, puis qui s'énerve plus que la moyenne, vaut mieux l'avoir de notre bord que pas notre bord. Et j'étais bien heureuse de trasher avec. Merci beaucoup, Marc. C'était bien sympathique. Alors, Gogol, expérience bien, bien, bien réussie. Question crowd, question show, que le groupe qui est si proche. Oui, la distance, comme j'ai mentionné, avec la clôture, la sécurité, mais toujours à l'avant-scène, toujours pratiquement l'instrument en avant de lui. Ouais, la chaleur humaine dans tous ses sens. Alors, sur ce, ben, je vais vous passer un extrait. C'est ma chanson préférée. Je dis préférée, mais je connais pas tous les albums par cœur. Mais de mes connaissances à moi, c'est ma préférée. C'est Dig Deep Enough. Et je vous dis merci, Crowd, d'être aussi fin et d'être aussi beau. Vous êtes merveilleux, chers auditeurs de CISM. Va aimer la page de Facebook. Facebook, critique de Crowd, tout ça en même temps. Puis sinon, ben, on se revoit la semaine prochaine. Puis je te souhaite bien du bonheur. Would know better than us, pleasure seekers, than to meet inside of the shamanic speakers. Where past is a memory, future is an illusion, and only the power of now is the confusion. We who seek long enough, dig deep enough, stand strong. And who would know better than us? Février prochain, soyez de la deuxième édition du Tavern Tour, alors que 25 artistes d'ici et d'ailleurs prendront d'assaut les tavernes de l'avenue Mont-Royal et de la rue Saint-Denis. Voyez entre autres Fred Fortin, Jonathan Gatt, les Breastfeeders, Hidalgo, les Delaware Chuck, Jessina Cormack, Louis-Philippe Gingras, Laura Sauvage, Indian Handcrafts, Atsuko Shiba, Ponctuation, USA Out of Vietnam, Paul Jacobs, Left Lane Cruiser et plusieurs autres. Consultez toute la programmation et procurez-vous vos billets en ligne au taverntour.ca. Diplômé, vos études sont peut-être finies, mais pas votre progrès. Les diplômés du campus de l'Université de Montréal obtiennent 20% de réduction sur l'abonnement au CEPSOM. Visitez le cepsom.umontréal.ca pour tous les détails. Inscrivez-vous dès maintenant. Au Ciné-Campus de l'Université de Montréal, venez découvrir une programmation de films réalisés par des cinéastes québécois. À l'affiche, 1,54 de Yann Englund, séance gratuite le 10 janvier. Embrasse-moi comme tu m'aimes d'André Forcier, séance gratuite le 11 janvier. Juste la fin du monde de Xavier Dolan, le 17 et 18 janvier. Un ours et deux amants de Kim Nguyen, le 24 et 25 janvier. Désert de Charles-André Coderre et Yann-Manuel Hernandez, le 31 janvier. Ciné-causerie en présence des réalisateurs. Ainsi que Pays de Chloé Robichaud, le 1er février. Ciné-causerie en présence de la réalisatrice. Le Ciné-Campus est présenté tous les mardis et mercredis au Centre d'essai du pavillon J.A. de Sèvres à l'Université de Montréal. Pour plus d'informations, visitez le sac.umontréal.ca. Hey! Ouais? T'as-tu ça du David Guetta? Oui? Yo, il m'a man, les pitons ils vont triper, là, pou, pou, pou! Je suis désolé, on fait pas jouer de ça ici. Eh ben là, du Pitbull? Non. Du Beyoncé? Non. Tu tiens ça au gros... Non plus. Mais là, si tu fais jouer d'abord? D'autres choses. OK, ben, c'est mieux d'être bon parce que ma tête, elle veut danser, t'sais. OK, fais-toi-en pas. Le programme. Une heure de musique électronique pour faire bouger ton body. Et vendredi, de 19 à 20 heures sur les ondes de CISM 89.3 FM. Aïe, aïe, merci, man! C'est déjà l'heure du troisième week-end du GooFest. Venez danser en plein air au son des meilleurs DJ locaux et internationaux. Au platine ce week-end, Cats and Dog, Clapton, It's Everything, Laurent Lane, Laurent Garnier et Oniris. Igloofest, c'est tous les jeudis, vendredis et samedis du 12 janvier au 4 février au Vieux-Port de Montréal. Pour les billets, rendez-vous sur notre site web ou à notre Igloo Boutique. Toute la programmation au igloofest.ca. Vous êtes dans le CISM et nous vous écoutons à CISM 89,3 La Marche.